130 livres, chronique du 2 mai 2017, live at Wembley Stadium, moi et mes 80 000 gars sûrs. Coup de bulldog posé sur des épaules d'enclume et des torses de barrique, engoncés dans des chemises de designers et des vestes en tweed cintrées au-delà du raisonnable, cheveux tondus de la nuque jusqu'en haut des tempes et structurés au-delà en une mèche cirée de frais, barbe taillée au cordeau, tout ce que Londres compte de lads intéressés à la chose pugilistique et capables de s'offrir un billet pas donné, était de sortie samedi soir au stade de Wembley. Une petite minorité venait accompagnée d'épouses et de compagnes, souvent juchées sur d'interminables talons dorés ou argentés, maquillées au pistolet et drapées dans des tissus légers, livrant peut-être un peu trop d'elles à la fraîcheur du printemps londonien. Le jeune et télégénique promoteur Eddie Hearn l'avait bien compris à l'heure de réserver une enceinte aussi gigantesque qu'emblématique. Mais 80 000 potes d'un soir, 90 000 spectateurs au total étaient annoncés, n'auraient loupé pour rien au monde cet événement social et prestigieux à la fois. Ils étaient là pour boire pas mal de coups, sympathiser virilement entre voisins de tribune, bramer à plein poumon leur bonheur d'être là, et finalement voir un jeune talent local remettre en jeu ses titres mondiaux WBA et IBF des poids lourds contre un adversaire enfin digne de ce nom. C'est qu'il valait le déplacement, le monumental Anthony Joshua. Médaillé d'or olympique à domicile en 2012, champion dans la catégorie reine à 27 ans, physique de Kouros élevé aux hormones et charisme tranquille de l'homme qui n'a pas à s'abaisser au trash-talking d'usage pour vendre des billets à foison. Soit une silhouette, une attitude et un discours parfaitement calibrés, aux antipodes de celui qui devint le roi linéal des poids lourds après son succès surprise de 2015 sur l'adversaire du soir de Joshua, Vladimir Klitschko, dans son antre de Düsseldorf. On parle bien sûr de l'affreux sale et méchant Tyson Fury, le gitan de Manchester, plus populaire chez les Brexiters que dans la Londres mondialisée, rendu fameux pour ses diverses frasques, son ventre à bière et une pratique de Twitter qui ferait passer Donald Trump pour la reine Elisabeth II. À n'en pas douter, mes 80 000 amis bien mis de la capitale étaient plus Joshua que Fury. Peu importait le réel exploit que fut la victoire méritée du mancunien sur le redouté Dr. Steelhammer Klitschko, certes au terme d'un triste combat, plaçant Tyson Fury nettement au-dessus d'AJ en strict terme de palmarès. Car les 18 victoires avant la limite obtenues en autant de combats professionnels du nouveau protégé des médias britanniques, si elles promettaient un affrontement autrement plus spectaculaire contre le même Vladimir Klitschko, n'offraient guère de garantie sur le niveau réel de l'intéressé. Un poil optimiste, l'hypothèse haute voyait Joshua prendre la succession du grand Lennox Lewis, présent en bord de ring samedi soir aux côtés de son rival Evander Holyfield, sans doute l'un des 5 meilleurs poids lourds de tous les temps. Mais la riche histoire des heavyweights anglais recèle également pas mal d'élan de ferveur patriotique so-british, soldé par des déceptions cruelles. On se rappelait ainsi l'exemple de Frank Bruno, tout aussi gentleman et sculptural qu'Anthony Joshua, mais dont l'endurance de footballeur américain alcoolo-tabagique lui valut en 1986 une défaite par KO face au replay américain Tim Witherspoon dans la même enceinte de Wembley à moitié moins remplie. Champion du monde sur le tard, il laissa surtout le souvenir de fameuses peignées reçues des mains illustres de Mike Tyson et du susnommé Lennox Lewis. Plus récemment, le colossal champion olympique de Sydney, Audley Harrison, boucla en 2013 une carrière de marchepied tétanisée par le moindre enjeu. David Haye a étalé ses limites contre un Vladimir Klitschko au sommet de son art, et le menton du géant David Price siérait sans doute mieux à un poids coq. Samedi soir dernier, les lads se sont donc déplacés en nombre pour voir si Joshua avait autant de substance que Marble Arch ou si les effets cumulés de la pression populaire et de la percussion ukrainienne en feraient un énième et copieux plat de jelly pudding. En revanche, ils ne sont clairement pas venus suivre les combats de sous-carte, si l'on en juge par le taux de remplissage modeste des travées jusqu'au main event ou par l'inintérêt poli que manifestèrent mes voisins. Je dois à mon épouse d'avoir pu suivre l'événement à peine au-delà des places en bord de ring, vis-à-vis de ses premiers affrontements, autrement plus concentrés sur l'anticipation du choc de fin de soirée et le contenu de leur verre. J'ai ainsi pu découvrir le fascinant usage fait localement des petits plateaux de carton recyclé qui permettent de transporter jusqu'à 4 consommations à la fois. À Wembley, il ne s'agissait pas de permettre à un généreux volontaire de rincer 3 amis d'un coup, mais à chaque compère de rapporter ses propres 2 litres d'Heineken en vue de se remplir consciencieusement le cornet jusqu'au prochain voyage à la buvette, prévu bien peu de temps après. Sachons saluer l'ingéniosité de ce peuple industrieux et volontaire. L'état général des men's rooms vers 19h à peine témoignait de la formidable intensité des phénomènes urodynamiques en cours, tout en permettant de tordre le cou à un premier lieu commun international. Dans certaines circonstances, le français n'est pas moins propre que son voisin d'outre-Manche. Tout à leur préparation athlétique, donc, mes 80 000 nouveaux copains faisaient bien peu de cas des assauts initiaux. Un superplume gallois nommé Joe Cordina, rapide et précis sur ses appuis, mit d'abord moins d'un round à soumettre un adversaire sans doute arrivé le matin même du continent en bus de nuit. La star amateur irlandaise des poids légers Katie Taylor emporta ensuite sa 5e victoire professionnelle en surclassant une Allemande volontaire mais limitée par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise. Puis ce fut la première demi-finale mondiale prévue au programme. Le poids léger Luke Campbell, battu par le français Yvan Mendy voici 18 mois à l'O2 Arena, fit prévaloir son allonge et un punch apparemment supérieur face au colombien Daerlys Perez, qui abandonna sur blessure au 10e round. A rien mécanique malgré une belle allure, Campbell devrait bientôt mesurer l'étendue de ses lacunes techniques face au brillant champion vénézuélien Jorge Linares. Le niveau monta d'un cran avec le Main Supporting Event. L'anglais Scott Quigg, qui tint jadis les 12 rounds d'un championnat unifié des supercoques malgré un bris de mâchoire accusé au troisième, visait une nouvelle chance mondiale en plume également convoitée par le roumain Viorel Simion, lequel montra qu'il aspirait à bien plus que de la figuration puisqu'il domina les premiers rounds en travaillant intelligemment en jab et en combinaison sans permettre à Quigg de poser sa boxe tout en vitesse et en mobilité. Las, Simeon, d'un gabarit nettement inférieur à son adversaire, ne fit qu'à peine en érafler la carrosserie, alors que le travail au corps de l'anglais finissait par payer en le ralentissant sensiblement. La décision unanime emportée par Quigg, à l'issue d'un combat de haute tenue où il dut sérieusement s'employer, fut logique bien qu'un peu large, 217-111, 115-113 plus raisonnable. Sans doute les deux hommes auraient-ils plutôt mérité l'estime d'une salle de connaisseurs que l'indifférence d'un grand stade. La métamorphose de la foule à l'approche du superfight fut d'autant plus spectaculaire en comparaison. L'attrait particulier que suscite un championnat du monde de boxe en poids lourd, promesse d'un incomparable déchaînement d'énergie cinétique, ce que le sport professionnel propose de plus proche d'un couronnement officiel du seigneur de la jungle, ne s'est pas démenti. La nuit tombait peu à peu sur Wembley quand les premiers chants à la gloire d'Anthony Joshua résonnèrent au rythme de Seven Nations Army, véritable ère des lampions du XXIe siècle. Notons que le public s'était déjà chauffé la voix en accompagnant à l'unisson l'improbable tube pop Sweet Caroline. Nous étions bien en Angleterre. Et la longue mise en scène savamment étudiée de l'entrée des champions, après deux films introductifs retraçant les épisodes précédents de leur carrière, acheva de gorger d'adrénaline une foule déjà toute à sa jovialité éthylique. Ce fut d'abord au tour du challenger de s'avancer vers le ring dans une enceinte soudain baignée d'une lumière bleue, celle du méchant venu du froid. Vladimir Klitschko, 41 ans, champion olympique en 1996 à Atlanta, tirant de la catégorie des lourds avec son frère Vitali, titulaire de la ceinture WBC, sur une décennie entière. Un homme auquel il fut pêle-mêle reproché d'avoir régné sur une période pauvre en vrai talent, subi 3 défaites précoces par KO contre des journeymen, et fait ensuite le choix d'une approche tactique à zéro risque, peu spectaculaire à souhait, sous la férule du regretté coach Emmanuel Stewart, comme d'autres pratiquent le tennis pourcentage. Tout en profitant d'une certaine mansuétude arbitrale dans son pays d'adoption, l'Allemagne, lui permettant d'abuser des accrochages au moindre danger. Un champion finalement déchu de ses titres par le plus improbable des vainqueurs, Tyson Fury, qu'une bonne moitié de la planète boxe considère encore comme un bouffon surdimensionné. Oui, on disait Vladimir regonflé à bloc et auteur d'une excellente préparation malgré une inactivité de 18 mois. Mais le consensus général voyait Joshua s'imposer par KO, tout en reconnaissant que plus le combat se prolongerait, plus l'Ukrainien pourrait faire jouer son incomparable expérience. 23 défenses victorieuses de son titre en lourd, des succès sur 10 champions du monde, après Joe Louis, le poids lourd le plus dominant de tous les temps. Même usé, la marche restait haute pour un AJ habitué à démanteler des chauffeurs de taxi dont le mérite principal était souvent de peser plus de 200 livres. Favori des bookmakers et des experts, le jeune champion ressentait sans doute plus de pression qu'il ne voulait bien l'admettre. Une tension que son entrée en scène grand-guignolesque dut porter à son paroxysme, jugé plus tôt. Un immense stade comble et porté à ébullition, une pas si subtile introduction sur fond de Carmina Burana, une apparition majestueuse portée par une plateforme télescopique entre ses deux initiales en lettres de feu, au beau milieu d'un spectacle pyrotechnique. Et un sacré putain de grand God Save the Queen qui aurait soulevé un expert comptable nihiliste en cure de Lexomil. Dans une telle montagne d'engrenages, tout grain de sable pouvait voir son pouvoir de nuisance démultiplié à l'infini, surtout s'il pesait 109 kilos et détenait le record du monde de succès en carrière sur des adversaires invaincus, 12. Nul ne peut dire ce qui dominait entre la bravade et l'inquiétude dans la psyché des milliers de spectateurs qui sifflèrent copieusement l'hymne ukrainien. Toujours est-il qu'un deuxième stéréotype souvent associé aux Anglais vola en éclats, à moins que le fair-play ne soit tout simplement soluble dans une certaine quantité de houblon liquide. Je dois concéder qu'entendre en direct « Let's get ready to rumble » de l'intemporel Michael Buffer m'émut sans doute plus que l'hymne de mes 80 000 camarades, et que mes appréhensions personnelles portaient moins sur l'issue du combat, faute d'un vrai favori de cœur, que sur son niveau. Vous qui m'écoutez étiez peut-être aussi habitué que moi à vous infliger d'épouvantables purges dans la catégorie soi-disant reine, d'autant plus indigestes qu'elles furent souvent précédées d'un réveil le dimanche à 5h du matin pour profiter de la, parfois discutable, émotion du live from Las Vegas, Nevada. Il fallait remonter à 2003 et les 6 rounds de sanglante brutalité entre Lennox Lewis et le frangin Vitali au Staples Center de Los Angeles, pour retrouver la sensation triple issue des effets combinés de l'apnée et de l'excitation dans lesquels un grand combat de poids lourd plonge l'amateur de boxe. Gastronome, imaginez du food porn extrême à base d'acide gras saturé, puis doublez-en les doses. Équilibrer les 4 premiers rounds offrirent le spectacle globalement attendu de deux punchers respectueux de la puissance de leur adversaire et économes de leurs bras arrière, mais un tableau passionnant dans le détail. Joshua, monstrueuse boule d'énergie, luttait manifestement pour conserver son gaz en se gardant de tout effort inutile, guettant une ouverture. Son jab, parfois doublé, était de bonne tenue et légèrement plus actif que celui de Klitschko. C'est de l'Ukrainien que vinrent les principaux motifs d'étonnement. Dépourvu de son habituel avantage d'allonge et très statique contre Fury, il avait laissé l'Anglais tourner autour de lui, prenant peu d'initiative, pour finalement subir un combat disputé à la distance choisie par son adversaire. Contre un autre grand gabarit, Vladimir décida cette fois de jouer la carte de la mobilité. Annoncé à son poids le plus faible depuis des lustres, il passa l'essentiel des premières minutes sur les pointes, en déplacement constant, empêchant Joshua de régler la mire et prompt à reculer sur chaque tentative dangereuse. Un plan de vol bien tenu des deux côtés, à défaut de susciter plus de ferveur que de raison. Peu de gens devaient s'attendre à voir succéder à cette séquence d'escrime de points un authentique round de légende. Ce fut pourtant le cas. Les deux hommes décidèrent simultanément d'ouvrir les hostilités, le cadet prenant un avantage net en touchant de deux puissants crochets du gauche et branlant de façon claire son adversaire, suivi d'une grêle de coups. Incapable de s'accrocher aussi vite qu'à son habitude face à un homme d'une telle puissance, Klitschko finit à genoux, au pied d'un Joshua un rien sûr de lui, levant déjà les bras au ciel. Mal lui en prit. Car l'ex-champion se releva, prenant certes son temps. Décidé à en finir, l'Anglais commit alors l'erreur de miser sur le volume de ses coups plutôt que sur leur précision, infligeant bien peu de dégâts supplémentaires, tout en s'essoufflant prématurément. Le vétéran, décidé à rendre coup pour coup, remit d'un coup la marche avant, marqua un terrible uppercut, et le coup de gong final sauva sans doute Joshua d'un arrêt de l'arbitre pour quelques secondes à peine. Sur le papier, ce cinquième round avait donné 2 points d'avance à Joshua. En pratique, celui-ci regagna son coin en rappelant singulièrement le George Foreman de l'épilogue du Rumble in the Jungle. Visiblement épuisé, le tenant du titre perdit son protège-dent à l'entame du 6e round, alors qu'il restait en fâcheuse posture, subissant passif les assauts de son aîné. Et c'est sur le coup signature de Vladimir Klitschko, un cross du droit chirurgical, qu'Anthony Joshua visita le tapis pour la première fois de sa carrière professionnelle. D'une célébration digne d'un but en finale de Coupe du Monde sur le knockdown du 5e round, mes 80 000 compagnons étaient descendus tout au bord de l'apoplexie. Ce qui eut pour effet inattendu de libérer dans l'air déjà saturé de vapeur de bière un épais nuage de testostérone. Alors que Klitschko se montra à son tour incapable de finir le travail, abusant d'un crochet gauche téléphoné en première intention, et que Joshua n'entreprit rien d'autre qu'essayer de rester en vie durant la 7e reprise, un Américain assis devant nous, défoncé depuis 2 bonnes heures, eut la mauvaise idée de déplaire à mon voisin. Le profil du type qu'on dépasse rarement dans une file d'attente. Boule à zéro, taillé littéralement comme une autolib, regard fixe et dépourvu d'expression, portant bombers et croquenots cloutés. Accompagné de 2 amis tout aussi avenants, des fois qu'il aurait fallu compléter pour faire un bridge. Mon épouse et moi nous esquivâmes à la première gifle, sans même tenter un suivi en multiplex. C'est donc debout dans une allée, à l'instar de pas mal de lads incapables de garder la position assise, mais plus ou moins stable sur leurs appuis, que nous suivîmes la suite et la fin de Joshua Klitschko. Un bien joyeux bordel à observer hors du ring, attendu que je n'avais pas vraiment l'habitude de faire partie des éléments les plus sobres d'une assistance, tout en gardant un œil sur le drame, ou plutôt l'autre drame, programmé en 12 actes. Ni l'acceptabilité sociale de la boisson, ni la mandale facile chez le sujet ivre ne sont de vrais scoops de ce côté-là du channel, mais on les aurait malgré tout imaginés disciplinés dans un événement à place numérotée. Voilà qui constitua sans doute le troisième lieu commun sur l'Angleterre mis à mal ce soir-là. Après un huitième round dominé à distance par l'Ukrainien qui gérait sa profonde coupure à l'arcade gauche et semblait revenir à ses habitudes d'apothicaire, la neuvième reprise fut celle du retour de Joshua. Voir un tel char d'assaut capable de se revers la cerise était tout sauf évident, et il faut saluer a posteriori la qualité d'une préparation qui leur a vu enchaîner les sessions de 15 rounds de sparring. Inversement, Klitschko sembla peu à peu rattrapé par celui que les anglo-saxons surnomment « Father Time », traduction d'un âge canonique contre lequel il est bien difficile de lutter. Moins mobile, demandait donc à une ballerine hors d'âge de plus d'un quintal une demi-heure d'entrechat, il commençait à subir les échanges. Et l'anglais poursuivit sa remontée en régime au dixième round, malgré une bonne droite du challenger dans les derniers instants. À un knockdown et cinq reprises partout, les deux derniers rounds s'annonçaient décisifs. Il suffit d'un seul. Il n'y a pas de grand combat sans grand boxeur et souvent sans grand finish. Quand il prit l'initiative de repartir à la guerre au onzième round au lieu d'attendre une décision, souvent favorable à celui qui joue à domicile quand les débats s'avèrent aussi serrés, Joshua impressionna par sa férocité et sa détermination. La fin du match fut admirable et saisissante à la fois. De l'accrochage que tenta Vladimir, après avoir subi une dure droite à la tempe, vint sa perte, puisque Joshua put placer de près un crochet gauche suivi d'un uppercut droit titanesque, rappelant Mike Tyson à son meilleur, qui aurait désolidarisé nombre de têtes et de corps. Le sort de Klitschko était désormais une question de seconde. Vladimir tomba une première fois sur un crochet gauche. On peut affirmer que l'essentiel de mes 80 000 gars sûrs, jugeant la chose acquise, fêtèrent immédiatement la victoire sans plus se préoccuper de la suite, en renversant gaiement leur dernier fond de gobelet. Il se releva au compte de 8 avant de s'abattre comme un chêne sur un nouvel enchaînement. L'histoire retiendra que l'Ukrainien, dont on discuta longtemps les qualités de cœur et de menton, voire la vigueur testiculaire, finit le combat debout, seulement arrêté par l'arbitre David Fields alors que la dernière série de près de Joshua ne semblait guère trouver sa cible. Est-ce à dire que cette défaite par chaos technique fut prononcée prématurément, le privant d'une dernière chance à jouer lors du 12e et dernier round ? Dans le doute, il faut laisser trancher le principal intéressé, qui se montra beau joueur jusqu'au bout en acceptant la décision. L'hommage mérité que lui rendit au micro son vainqueur du jour illustre un paradoxe. Cette cinquième défaite en carrière ajoute sans doute plus à la légende de Vladimir Klitschko que bon nombre de ses victoires avant elle. Au même âge de 41 ans, j'ai personnellement réussi à boucler un unique jogging, ainsi qu'à m'abîmer le dos en m'asseyant mal dans un canapé. Je n'insisterai donc jamais assez sur la performance surhumaine accomplie le 29 avril 2017 par l'Ukrainien. George Foreman était certes plus vieux quand il reconquit le titre des lourds face à Michael Moorer, mais ce dernier, mi-lourd naturel, était bien loin de présenter le même challenge que les 113 kilos de barbecue explosif d'Anthony et Jay Joshua. Le contrat unissant les deux boxeurs prévoit une clause de revanche immédiate activable par le perdant, et Klitschko a d'ores et déjà annoncé qu'il s'accorderait le temps de la réflexion. Il est permis de douter qu'il puisse faire beaucoup mieux, les stigmates d'une telle bataille venant s'ajouter au poids des ans. Une retraite sportive à l'issue de ce qui fut probablement le meilleur championnat du monde des lourds de ce début de 21e siècle ferait un bien beau point d'orgue à sa carrière de futur membre du Hall of Fame. Et Anthony Joshua, qui brigue à terme le statut de premier boxeur milliardaire, a d'autres options lucratives à investiguer, qu'il s'agisse de l'anesthésiste de l'Alabama Deontay Wilder ou du champion linéal Tyson Fury, pour peu que ce dernier échappe aux démons de l'addiction à la cocaïne et au beurre. Restent les solides mais moins fameux Louis Ortiz, Kubrat Pulev et Joseph Parker, voire le redoutable Alexander Povetkin, à supposer qu'il sorte sans trop d'encombre des suites de son double contrôle positif de l'an passé. Quels que soient ses choix à venir, Anthony Joshua a beaucoup prouvé samedi dernier, dans un contexte où il avait énormément à perdre. L'homme est invaincu, a du cœur à revendre, s'est bouclé 11 rondes d'intense en accélérant, jamais il n'était allé au-delà du 6e, a gagné l'épreuve de force face à l'un des meilleurs poids lourds jamais vus sur un ring, et peut faire preuve d'une certaine grandeur dans la victoire comme dans sa préparation. Pour peu qu'il travaille certains points faibles, dont la fluidité de ses transitions entre attaque et défense, la mobilité de sa tête et un poids de forme à diminuer pour gagner en endurance, il a les moyens de dépasser largement Frank Bruno et David Haye dans la riche histoire pugilistique du pays des règles du marquis de Queensberry. pour rejoindre un jour Lennox Lewis, on attendra. Gageons en tout cas que sur son nom, l'armée des 80 000 lads, dont j'ai pu suivre la dispersion dans le métro londonien avec son lot de chants, d'évanouissements subis et d'échymoses suspectes sur les tronches, se déplacera à nouveau plus d'une fois.